ça ne sert à rien, tous les mots qu'on répète, les boniments qui nous troublent si bien, on ne s'en souvient que lorsqu'on les regrette, et l'on comprend qu'ils n'ont servi à rien. Et cependant, le reste que mon cœur chante sa romance, moi j'oublie tous les déceptions, les bons conseils, je crois toujours que c'est le bonheur qui commence. Mais l'histoire est toujours pareille, ça ne sert à rien d'ignorer les obstacles et d'oublier le chemin d'où l'on vient. Je sais très bien qu'il n'y a pas de miracle, je suis mon cœur, même si ça ne mène à rien.